Chrysler par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. J'étais encore à la taverne du grand Frédéric. J'avais passé la nuit même. Oh, quelle nuit! Quel brillant concert au milieu d'un épais nuage de fumée. Les brocs se pressent contre les brocs, les verres se choquent, la bière écume jusqu'au bord comme un flageolet champêtre qui se marie avec la cornemuse. Le bouchon saute pour mieux marquer la mesure. Le tonneau se dessine comme la grosse caisse dans un coin de l'orchestre. « Bien joué, musicien. Bravo, musique !» Nous avons ainsi exécuté toute une symphonie de buveurs sur tous les tons et dans toutes les mesures. Mon Dieu, quand le gaz du champagne se développe lentement, glissant à peine comme une âme qui s'échappe à travers la fente de sa pierre tumulaire, je me sens tout attendri. Mon génie prend quelque chose de vaporeux comme si j'étais un barde du Nord. Et je reste tout mélancolique, les coudes sur la table, semblable à quelque fils d'Odin, prêtant l'oreille au son de la harpe éolienne dans une mélancolique nuit d'hiver. Oh, mon génie, je vous le dis, mon génie est triste. Il voit partout des choses, lugubre même au cabaret. Le cliquetis des spectres, la soutane des moines, le crêpe du veuvage, le linceul de la fiancée. Qu'est-ce que cela à côté de ce que je vois chaque jour? Vous croyez que je suis gai, moi, parce que je vais à la taverne du grand Frédéric? Vous vous trompez. Je vais à la taverne parce que je suis triste. Voyez plutôt tous les spectres qui nous entourent là, les bouteilles vides, les bouchons qui jonchent la terre, les tables en noyer isolées et luisantes comme un miroir magique. Voyez la broche silencieuse, le coucou muet, le banc renversé, le rouet qui a cessé de bruire comme un matou au mois de mai. Voyez le grand lit de damas où notre vieille hôtesse ramasse en peloton ses vieilles peaux collées sur ses petits os, assemblage de rides respectables couvertes de cheveux blancs. Tout cela n'est-ce pas autant de spectres, autant de corps sans âme? Savez-vous un sépulcre plus lugubre? Ne préféreriez-vous pas des ossements humains étendus et tout blancs dans un champ funéraire, à ces bouteilles sans âme, à ces bouchons sans voix, à ce rouet sans mouvement, à ce grand lit presque vide. Hélas, ce fut un lit de rose comme toi, ma bouteille. Tu fus une bouteille pleine. Comme moi, j'étais peintre et musicien autrefois, quand j'étais plein de couleurs et de sons, et qu'il m'échappait de toutes parts de la tête, du cœur, de l'âme. L'enchantement était autour de moi. Vous n'avez jamais entendu de rouet plus ronflant que moi, jetant de côté d'autres plus de bave et produisant plus de chaînes en bon fil. Je dis un rouet excité par un jeune pied amoureux et leste, un petit pied à jupon court, nu jusqu'à la jarretière. Où est-il donc le pied de femme qui pesait sur moi? Théodore, hélas, Théodore, tu ressembles au rouet de veille que tu vois là. Je me mis à pleurer. Hélas, hélas, voilà le matin, et je ne suis pas ivre encore. Théodore a perdu sa nuit. La folle poésie a dégagé sa tête des douces vapeurs du vin. À chaque verre, j'ai senti sur mon front comme une main froide qui m'entourait du lierre, ennemi de l'ivresse. Me voilà donc, après toute une nuit, sobre comme une ménagère hollandaise. Allons, enfant, un nouvel effort, recommençons s'il le faut. Quittez vos larges et sombres manteaux, suspendez vos chapeaux clos rouillés de la muraille. Essayez si le punch viendra à bout de nos esprits. Allumons le punch à la flamme de nos pipes. Évoquons la salamandre joyeuse sur les bords de ce vase d'étain. Appelons les esprits du feu à notre secours. Chassons les images mélancoliques. Le feu est l'ennemi des ténèbres. Le feu réjouit le chaos. Le feu rend à la nature ses couleurs perdues, ses formes évanouies. Voilà qui est bien. Le punch s'enflamme. Mille joyeux esprits vont remplir nos coupes. Voyez au milieu de cet océan enflammé cette déesse sourire bachique qui nous verse à boire. La liqueur dégoutte de ses cheveux et ruisselle sur son beau sein. Je vais placer mon verre sous sa mamelle gauche, la plus féconde des deux. Mon verre sera bientôt plein. Moi, je profite des moindres accidents du bruit et de la couleur. Je vois tout un orchestre avec ses gradations harmoniques dans une batterie de cuisine. Une jatte de punch est pour moi une chambre obscure, un prisme agité, un joyeux résumé de l'arc-en-ciel après une pluie de printemps. Quand le punch brûle, je ferme les yeux. Je ne réserve à l'œil droit qu'une fente légère. Je cligne lentement cet œil du côté de la muraille et je commence à regarder l'agréable silhouette de mes compagnons qui boivent. Ce sont vraiment de plaisantes figures, de petites têtes, de gros nez, des lèvres tremblantes, dignes lèvres de dégustateurs. C'est plaisir de voir ces braves gens, si posés et si calmes, flotter contre la muraille comme des damnés en purgatoire. Effrayante mobilité opposée à cette immobilité. Dansez sur les murailles, joyeux compagnons, ainsi le veut Maître Ponche, Ponche l'esprit aérien, le dieu folâtre de ma mythologie de cabaret. Shakespeare, le divin Shakespeare, a, je crois, un dieu comme le mien. Maître Ponche ou Maître Puck, dans le songe d'une nuit d'été, ou autre part, le vieux Will me vole si souvent mes dieux. Il me vole Falstaff, en vérité. Rends-moi mon vieux Will, rends-moi Falstaff. Laisse-moi faire l'éducation de Falstaff. Laisse-moi apprendre à ce gaillard-là à manier les boyaux d'un violon ou à souffler dans une flûte, le joufflu qu'il est. Il ne t'en coûtera pour la pension de ton favori jeune Falstaff que 5 gallons de vin blanc et rouge par semaine et 1/2 gallon de rhum. J'en ferai un artiste accompli si tu veux. Quel dommage de le laisser si brutal, ce bon chevalier Falstaff. Quel malheur de l'abandonner sans secours à sa nature vineuse, le bon gros homme. Quel bon rêveur fantastique cela eût fait s'il eût été artiste tant soit peu. Oh, grand Will, non seulement tu m'as volé, mais encore tu m'as gâté, Falstaff. Vous comprenez bien, mortel, qu'ainsi rêvant, gambadant, folâtrant, ayant toujours un monde sous ma main, et dans cette main un microscope pour voir ce monde, je puis fort bien passer mes nuits au cabaret sans être un ivrogne. Le cabaret et la nuit me plaisent également. Le cabaret est mon chez-moi. C'est le royaume dont je suis le roi. C'est la tribune dont je suis l'orateur. C'est l'autel dont je suis le dieu. Quel est le poète, dites-moi, qui oserait préférer le jour à la nuit? Qu'est-ce que le soleil de midi si anguleux à côté de ce crépuscule si favorable qui adoucit tous les contours, qui jette le parfum et le silence à pleine main? Qui arrête la fermentation des vendanges, qui fait chanter le rossignol pendant l'été et le grillon pendant l'hiver. J'aime donc le cabaret et la nuit. Je me disais tout ceci dans un de ces combats de conscience que je me livre souvent tout bas, quand je viens me souvenir des bons conseils de la princesse Amélie. Vous buvez trop, Théodore. Vous ne dormez pas assez, Théodore. Vous m'affligez, Théodore. Promettez-moi de rester chez vous ce soir. Et puis, me disais-je, il est bien sûr que la princesse ne le saura pas. J'en étais à mon dernier regard sur les silhouettes de la muraille. Au milieu de tant de grotesques figures, j'en découvris une d'un aimable aspect. C'était une tête penchée, un air pensif, des cheveux en désordre, une figure que je fus tout de suite porté à aimer. Je fus ravi quand je vins à découvrir que cette figure c'était la mienne, que cette aimable personne c'était moi. Je l'aurais admiré bien plus longtemps, quand la dernière flamme du punch vint à s'éteindre, tout s'effaça, et à la place de ce tableau animé, je ne vis plus que la muraille bleuâtre et pâle comme la figure d'un calomniateur qu'un honnête homme appelle en duel. Alors le jour paraissait tout bleu, et divinité en bonnet de nuit, et qui n'a pas encore secoué sa chevelure d'or. Je me sentis un accès de sobriété, et je sortis du cabaret. Il fallait que la lumière fût fausse, car je sentis que tout tournait autour de moi. Chaque maison passait à son tour, le palais, la chaumière et le jardin du roi avec ses treillages en fer doré, ses statues pompeuses et ses signes majestueux flottant sur les bassins qui ne se taisent pas. Le jardin du pauvre suspendu à son 5e étage, un poisson rouge placé dans un bocal en verre, entre un pot de renoncule et un pot de simple violette. Tout passait ainsi devant moi. Devant moi passa l'hôpital, qui me leva son chapeau en me disant un affectueux bonjour. Passa la prison, insolente parvenue, que la liberté a peuplé plus que ne le fit l'esclavage. Passa la fière cathédrale, tenant de ses mains débiles son dôme ébranlé. Passa la maison de la courtisane, à la porte entr'ouverte, silencieuse comme un tombeau. Je laissais passer toute la ville ainsi, trop heureux. À la fin, le soleil parut, et du côté de l'Orient, enveloppé dans son premier rayon, comme une apparition dans un tableau de Michel-Ange, je vis passer la princesse Hélène. Hélène, à peine éclose et brillante de la première rosée du matin. Je rougis en l'apercevant. Je venais de découvrir que j'étais encore à la porte de mon cabaret, juste sous l'enseigne du grand Frédéric, apparemment que ma maison n'était pas passée devant moi. Elle m'aperçut immobile et me fit un petit signe. Il n'y a que moi qui puisse deviner que c'est un signe. « Bonjour, dit-elle, mon fidèle Théodore. Oh, sage Théodore, sobre Théodore levé avec le jour et qui vient saluer le soleil. Je vous sais gré, Théodore, d'avoir si bien tenu la parole que vous m'avez donnée. Vous êtes un philosophe accompli. En revanche, je vous permets de m'accompagner. » J'accompagnais la princesse, si belle, si jeune, si simple, si grande dame, qui m'appelait son Théodore. Je ne suis pas bien sûr que ce soit là une femme. Si c'est un corps, je n'ai jamais pu le toucher. Pas seulement sa robe de mes lèvres, pas seulement les traces de ses pas. Elle n'a pas de traces. Sa bouche n'a pas d'haleine, si ce n'est un parfum invisible comme celui d'une fleur. Je ne saurais dire la couleur de ses cheveux. Il n'y a pas de bleu dans le ciel comme celui de son regard. Ses vêtements ont une forme indicible. Ils se groupent autour d'elle, ils l'embrassent, ils flottent, ils retombent, ils se livrent, pour lui plaire, à mille coquetteries incroyables. Ils sont animés, elle ne l'est pas. C'est sa robe qui remue, c'est son voile qui sourit, c'est son gant qui se dessine, c'est son fichu qui bat, c'est sa chaussure qui marche. Mon Dieu, que j'ai été timide avec cet ange. Mais on dit que les anges brûlent. Ainsi je le suivais toujours. Elle arrive, devinez où, chez mon ancien camarade, le musicien Kressler. Nous avons étudié l'harmonie en même temps, Kressler et moi. C'est encore un jeune homme, et pourtant je ne suis né qu'après lui, moi, si vieux déjà. On a élevé bien des disputes pour savoir si Kressler a plus de génie que moi. Moi, j'ai l'inspiration plus prompte et plus vive que Kressler. Moi, j'ai plus de folie et d'éclat. J'ai plus d'enivrement et de hasard. Je suis plus du peuple, mais Kressler, c'est le chantre du monde idéal. C'est le musicien de la jeunesse et des femmes. Il est au troisième ciel, à côté de Saint Paul. Il jette son âme là-haut tant qu'elle peut aller. Il l'accompagne de sons lointains et prolongés. Sa musique est une extase. Pour lui, le monde extérieur n'est rien. Il n'est pas de ce monde, moi j'en suis. Kressler est beau, plus beau que moi. Son visage est inspiré, il est pâle. Son chant est lent et méthodique. Moi, je ne suis qu'un bouffon à côté de Kressler. J'imagine cependant que Kressler est heureux. C'est un rêveur à sa manière. La princesse l'écouta longtemps avec transport et les larmes aux yeux. Il chantait si bien. Elle était placée devant lui, dans le plus grand jour de l'appartement. Lui, tout entier à sa vie du moment, n'aperçut pas notre Hélène. Hélène, sa déesse, sa muse, celle pour qui il chantait alors. Celle qu'il voyait dans le nuage azuré à travers la mélodie, celle qui était près de lui et qu'il ne vit pas. Hélène resta une heure à le contempler, à l'admirer, à l'entendre. À la fin, elle se retira, pénétrée, respectueuse, comme si elle fût sortie du sanctuaire. C'est la première fois que j'ai senti le ver de la jalousie. Il s'agissait de plus haut prix que de l'amour d'Hélène, il s'agissait de son estime. La sérieuse Hélène reprit avec moi le ton jovial. Elle m'estime si peu. « Voilà pourtant, pauvre homme, » me dit-elle, « comment tu aurais été si tu avais voulu ?»« Oui, un rêveur sublime, un poète élégant, un chantre inspiré par le ciel, par les fleurs, par l'amour. Tu n'as pas voulu, Théodore. Théodore, tu t'es vautré dans la fange. Tu as appelé le chaos à ton secours. Tu as barbouillé ta face de lit, tu as corrompu ta raison. Tu n'as plus été qu'un poète de hasard, un mauvais bouffon de carrefour, pauvre homme. Rampe, Théodore. » Alors je répondis, et en répondant, je pleurais. « Ah, madame, que vous me faites de mal. N'accusons pas le Créateur, madame, qui a donné enfin à l'art ce qu'il n'avait pas refusé à Alexandre, Diogène. Je suis le Diogène artiste, comme l'autre était le Diogène citoyen. Lui et moi, nous avions un trou dans la tête et dans le cœur. Ce trou, il a fallu le jeter, lui dans la débauche et moi dans les excès de vin. Ce trou de génie, il a fallu l'épuiser en improvisant. Sans cela, nous étions morts. Ne me parlez pas des génies corrects, madame, ni des beautés correctes. Jamais vous ne resserrez cette taille élégante entre quatre baleines. Jamais je ne subirai, moi, l'outrage d'un corset. Je suis votre Théodore, comme je suis, mais vous venez de m'affliger profondément. » Comme la foule était déjà dans les rues, notre jeune princesse s'évanouit. Elle est au ciel à présent, dominant notre observatoire. Pour moi, je restais seul en proie à mon chagrin et, chose étrange, quand la nuit fut venue, je me retrouvai à mon cabaret favori à côté du poêle, dans le grand fauteuil de mon hôtesse, comme si tout cela n'était qu'un rêve. C'est ainsi que s'achève Kressler de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.